pour lesquels on vous gratifiait de petits invités qu'on connaissait à peine, d'enfants timides qui vous rendaient à votre tour timide, ou d'autres, hardis, qui vous griffaient la figure, ou vous brisaient ce que vous veniez de recevoir, pour ensuite s'en aller subitement lorsque tous les objets, tirés de leur caisse et de leur boîte, gisaient pêle-mêle. Mais lorsqu'on jouait seul, comme toujours, il pouvait cependant arriver qu'on franchît, à l'improviste, ce monde convenu, et généralement inoffensif, et que l'on glissa dans des conditions toutes différentes, et soudain incommensurables. Mademoiselle avait par moments sa migraine, qui s'affirmait toujours avec une rare violence, et c'était les jours auxquels il était difficile de me trouver. Je sais qu'on envoyait alors le cocher me chercher dans le parc, quand, par hasard, mon père me demandait, et que je n'étais pas là. D'en haut d'une des chambres d'amis, je le voyais sortir en courant et m'appeler, à l'entrée de la longue allée. Ces chambres d'amis se trouvaient les unes à côté des autres, sous le pignon d'Ulsgaard. Y restaient parce que, en ce temps-là, nous ne recevions que rarement des visites, presque toujours vides. Mais à côté d'elles se trouvait ce grand réduit mansardé qui exerçait sur moi une si forte attraction. On n'y voyait qu'un vieux buste qui représentait, je crois, l'animal Juel, mais tout autour les murs étaient garnis de placards profonds et sombres, disposés de telle façon que la fenêtre même était placée au-dessus d'eux dans le mur vide et blanchi à la chaux. J'avais trouvé, à la porte de l'un des placards, la clé qui l'ouvrait ainsi que tous les autres, et j'avais donc en peu de temps tout examiné. Les habits des chambellans du XVIIIe siècle, tout glacés par leurs trames de fil d'argent, et leurs belles vestes brodées, les tenues de l'ordre de Dannebrog, et de l'éléphant, si riches, si encombrantes et ouatées de doublures si douces au toucher qu'on les prenait d'abord pour des vêtements de femmes, puis de vraies robes qui, soutenues par leurs panetières, pendaient raides comme les marionnettes d'une pièce trop grande et si définitivement démodées, qu'on avait employé à d'autres fins leurs têtes. Mais plus loin, il y avait des armoires, qui paraissaient sombres lorsqu'on les ouvrait, obscurcies par les uniformes haut boutonnés, qui semblaient plus fatigués que tout le reste, et qui au fond ne désiraient plus d'être conservés. Personne ne trouvera étonnant que j'aie tiré tout cela au jour, que je l'ai incliné sous la lumière, que j'ai appuyé ceci et cela contre moi, ou que je l'ai jeté sur mes épaules, que j'ai en toute hâte revêtu un costume qui pouvait peut-être me convenir, que curieux et agité, j'ai aussitôt couru dans la chambre d'amis la plus voisine, devant les trois trumeaux composés de fragments de vitre, inégaux, et de couleur verte. Ah, comme on tremblait d'y être, et quelle exaltation lorsqu'on y était! Lorsque quelque chose s'avançait du fond de son eau trouble, plus lentement que vous-même, car la glace n'y croyait encore qu'à moitié, et somnolente qu'elle était, ne voulait pas répéter tout de suite ce qu'on lui disait. Mais enfin, il fallait bien qu'elle cédât. Et c'était alors une chose très surprenante, étrangère, tout autre que ce qu'on avait pensé, une chose soudaine, indépendante, qu'on parcourait d'un coup d'œil, pour cependant se reconnaître un instant après, non sans une nuance d'ironie, qui un peu plus aurait pu détruire toute notre joie. Mais lorsqu'on commençait aussitôt à parler, à s'incliner, lorsqu'on se faisait de petits signes, tout en se retournant sans cesse, lorsqu'on s'éloignait et qu'on revenait, décidé et très animé, on avait l'imagination avec soi, tant qu'il vous plaisait de l'avoir. J'éprouvais alors l'influence que peut, sans autre intervention, exercer sur nous une tenue déterminée. À peine avais-je endossé l'un de ces vêtements, que je devais avouer qu'il me tenait en son pouvoir, qu'il commandait mes mouvements, l'expression de mon visage, oui, jusqu'à mes idées. Ma main, sur laquelle tombait et retombait la manchette à dentelle, n'était nullement ma main habituelle. Elle se mouvait comme un acteur, oui, je pourrais même dire qu'elle se regardait faire, si exagéré que cela puisse paraître. Les déguisements n'étaient d'ailleurs pas poussés assez loin pour que je me sentisse devenir étranger à moi-même. Au contraire, plus diversement, je me transformais, et plus j'étais pénétré de moi. Je ne sentais pas la tentation qui me guettait sous cette impression vite croissante de sécurité. C'en fut fait de moi lorsque la dernière armoire, que j'avais cru jusque-là ne pas pouvoir ouvrir, céda un jour pour me livrer, au lieu de tenue bien déterminée, tout un vague attirail de mascarade dont le fantastique à peu près me chassait le sang à la tête. Il n'y a pas moyen d'énumérer tout ce qui se trouvait là. Outre une botta dont je me souviens, il y avait des dominos de différentes couleurs. Il y avait des robes de femmes où cliquetaient des piécettes cousues. Il y avait des pierrots qui me semblaient bêtes et de larges pantalons turcs et des bonnets persans, d'où s'échappaient des sachets de camphre et des cercles dorés, garnies de pierres stupides et inexpressives. Tout cela, je le méprisais un peu. C'était d'une si indulgente irréalité, et cela pendait là, si dépouillé et si pitoyable, et s'affaissait sans volonté lorsqu'on le tiraillait au jour. Mais ce qui me transportait dans une sorte d'ivresse, c'était les amples manteaux, les étoffes, les châles, les écharpes, tous ces grands tissus souples et inemployés, qui étaient doux et caressants, ou si lisses qu'on pouvait à peine les saisir, ou si légers qu'ils passaient à côté de vous comme un vent, ou simplement lourds de tout leur poids. C'est en eux seulement que je distinguais des possibilités vraiment libres et infiniment variables. Être une esclave qu'on vend, être Jeanne d'Arc, ou un vieux roi, ou un sorcier, tout cela, on le tenait en main. Surtout qu'il y avait aussi des masques, de grands visages menaçants ou étonnés, avec de vraies barbes et des sourcils épais ou relevés. Jamais auparavant je n'avais vu de masque, mais je compris aussitôt qu'il devait en exister. J'ai éclaté de rire lorsque je me rappelais que nous avions un chien qui semblait en porter un. Je me représentais aux yeux affectueux qui regardaient toujours comme venant d'un autre visage, dans sa tête couverte de poils. Je riais encore, tandis que je me travestissais, et j'en oubliais complètement ce que j'avais voulu figurer. Allons, c'était neuf et captivant de ne décider cela qu'ensuite devant la glace. Le visage que je m'attachais avait une odeur singulièrement creuse. Il se posait étroitement sur le mien, mais je pouvais commodément voir au travers. Et ce n'est que lorsque le masque fut fixé que je choisis toutes sortes d'étoffes que je roulais à la manière d'un turban autour de ma tête, de telle façon que le bord du masque, qui s'étendait en bas jusque dans l'immense manteau jaune, était presque complètement caché, sur le haut de la tête et sur les côtés. Lorsqu'enfin je fus à bout d'invention, je me tins pour suffisamment déguisé. Je saisis encore une grande canne que je laissai marcher à mon côté aussi loin que s'étendait mon bras. Et c'est ainsi que, non sans peine, mais comme il me semblait avec beaucoup de dignité, je me traînais dans la chambre d'amis vers la glace. Ce fut vraiment grandiose, au-delà de toute espérance. La glace le reproduisit aussitôt. C'était par trop convaincant. Il était inutile de faire beaucoup de mouvements. Cette apparition était parfaite, et sans que j'eusse à y contribuer. Mais il s'agissait à présent d'apprendre qui elle était. Et je me tournai donc un peu et finis par lever les deux bras. De grands mouvements de conjuration, c'était là, me semble-t-il, ce qui convenait. Mais précisément à cet instant solennel, j'entendis, assourdi par mon déguisement, tout à côté de moi, un bruit multiple et composé. Effrayé, je perdis de vue l'être de l'autre côté de la glace, et fus fort marré de voir que j'avais renversé un guéridon rond. Avec Dieu sait quels objets, sans doute très fragiles, je me penchai tant bien que mal, et vis mes pires craintes confirmées. Tout semblait s'être brisé. Bien entendu, les deux inutiles perroquets en porcelaine vert-violet étaient assommés, l'un plus méchamment que l'autre. Une bonbonnière laissait rouler ses bonbons qui semblaient des insectes dans leur chrysalide de soie et avait rejeté très loin son couvercle. On n'en voyait qu'une moitié, l'autre avait disparu. Mais le plus fâcheux, c'était un flacon écrasé en mille petits éclats et d'où avait jailli le reste de je ne sais quelle essence ancienne qui formait à présent sur le parquet une tache d'une physionomie très repoussante. Je l'essuyais vite avec je ne sais quoi qui pendait autour de moi, mais elle n'en devint que plus noire et déplaisante. J'étais vraiment désolé. Je me levai et cherchais quelque objet qui me permît de réparer ce désastre, mais je n'en trouvais point. J'étais également très gêné dans la vue et dans mes mouvements, de sorte que je sentis la colère monter en moi contre cet accoutrement absurde que je ne comprenais plus. Je me mis à tirailler de tous côtés, mais cela ne s'en resserrait que plus étroitement. Les ficelles du manteau m'étranglaient, et l'étoffe appuyait sur ma tête, comme s'il s'en ajoutait sans cesse de nouvelles. De plus, l'air était devenu trouble, et c'était comme embué de la senteur vieillotte du liquide répandu. Bouillant de colère, je m'élançai devant la glace, et je suivis le travail de mes mains en regardant avec difficulté à travers le masque. Mais il n'attendait que cela. Le moment de la revanche était venu pour lui, tandis que dans une angoisse qui croissait sans mesure, je m'efforçais de m'évader en quelque façon de mon déguisement. Il me contraignit par je ne sais quel moyen à lever les yeux et m'imposa une image, non, une réalité, une étrange, incompréhensible et monstrueuse réalité qui me pénétrait malgré ma volonté. Car à présent, il était le plus fort, et c'était moi le miroir. Je fixais ce grand et terrifiant inconnu devant moi, et il me semblait fantastique d'être seul avec lui. Mais tandis que je pensais cela, le pire arriva. Je perdis toute conscience de moi. Je cessais d'exister, tout simplement. Une seconde durant, je ressentis un indicible et douloureux et inutile regret de moi-même. Puis il ne resta plus que lui. Il n'y avait rien hors lui. Je me sauvais, mais à présent, c'était lui qui courait. Il se cognait partout. Il ne connaissait pas la maison. Il ne savait vers où se diriger. Il descendit un escalier. Il culbuta dans le couloir sur quelqu'un qui se débattit en criant. Une porte s'ouvrit. Plusieurs personnes parurent. Ah, qu'il était donc bon de les connaître. C'était Siversen, la bonne Siversen, et la femme de chambre, et le garde-vaisselle. Maintenant, la question allait être tranchée. Mais ils se gardaient bien de se jeter à votre secours. Leur cruauté était sans limite. Ils étaient là et riaient. Mon Dieu, comment pouvaient-ils donc rester là et rire? Je pleurais, mais le masque ne laissait pas échapper les larmes. Elles coulaient à l'intérieur, sur mon visage, et séchaient et coulaient à nouveau et séchaient encore. Enfin, je m'agenouillais devant eux, comme personne ne s'est jamais agenouillé. Je m'agenouillais et je levais les mains vers eux et suppliais « Sortez-moi si cela va encore et ne me rendez plus !» Mais ils n'entendaient rien. Je n'avais plus de voix. Siversen racontait jusqu'à sa mort comment j'étais tombé à la renverse et comment ils avaient continué de rire, croyant que cela faisait partie du jeu. Ils étaient habitués à cela de ma part. Mais ensuite j'étais resté étendu et je n'avais pas répondu. Et quelle frayeur lorsqu'ils découvrirent enfin que j'étais sans connaissance et que j'étais couché là comme un morceau de quelque chose au milieu de ces toiles. Oui, comme un morceau. Le temps s'écoulait avec une incalculable rapidité. Et puis tout à coup revenait l'époque où il fallait inviter le pasteur docteur Jeppersen. C'était alors un repas pénible et qui semblait aux deux parties interminable. Habitué à la société très pieuse, qui par égard pour lui se dissolvait entièrement, le pasteur n'était pas chez nous dans son élément. Il était en quelque sorte jeté sur la terre ferme et manquait d'air. La respiration au moyen des branchies qu'il avait développées en lui s'opérait difficilement. Des bulles se formaient et tout cela n'allait pas sans danger. De sujet de conversation, je dois dire pour être exact qu'il n'y en avait pas du tout. On soldait des restes à des prix invraisemblables. C'était une liquidation de tous les stocks. Docteur Jeppersen devait se contenter d'être chez nous une sorte d'homme privé, c'est-à-dire précisément ce qu'il n'avait jamais été. Il était aussi haut qu'on pouvait remonter dans le passé, spécialiste du rayon de l'âme. L'homme était pour lui une institution publique qu'il représentait et il réussissait à n'être jamais hors de service commandé, même pas dans ses rapports avec sa femme. Sa modeste et fidèle Rebecca, sanctifiée par l'enfantement, comme l'avatar s'exprime dans un autre cas. En ce qui concerne mon père, son attitude à l'égard de Dieu était d'une parfaite correction et d'une irréprochable courtoisie. À l'église, il me semblait parfois, à le voir debout, en attente ou légèrement penché, qu'il se trouvait justement être capitaine des chasses au service de Dieu. Quant à maman, il lui semblait presque offensant que quelqu'un pût entretenir avec Dieu des rapports de politesse. Si le hasard lui avait donné une religion aux rites expressifs et compliqués, dans quelle félicité se serait-elle pendant des heures entières agenouillée ou jetée par terre, ou aurait-elle de façon large et circonstanciée fait le signe de la croix en se touchant la poitrine et les épaules? Elle ne m'enseignait pas vraiment à prier, mais c'était pour elle un apaisement de savoir que je m'agenouillais volontiers, que je joignais les mains, tantôt en entrecroisant les doigts, tantôt en les appuyant les uns contre les autres, selon que je le trouvais plus ou moins expressif. Assez abandonné à moi-même, je traversais de bonne heure une série de phases que je ne rapportais que beaucoup plus tard à Dieu, dans un moment de désespoir, et cela avec une telle violence qu'il se forma et se défit presque au même instant. Il est évident que je dus tout recommencer depuis le début. Et pour ce début, je croyais parfois avoir besoin de maman, quoiqu'il valût naturellement mieux que je le vécusse seul. Et c'est vrai qu'elle était alors déjà morte depuis longtemps. À l'égard du docteur Jeppersen, maman pouvait montrer une vivacité qui touchait presque à l'exubérance. Elle engageait avec lui une conversation qu'il prenait au sérieux. Puis, dès qu'il s'écoutait parler, elle croyait avoir assez fait et l'oubliait aussitôt complètement, que s'il était déjà reparti. « Comment donc peut, disait-elle parfois, de lui, aller et venir et entrer chez les gens, tandis qu'il meurt ?» Il vint aussi chez elle en cette occasion, mais elle ne l'a sûrement plus vu. Ses sens moururent, l'un après l'autre, en premier lieu la vue. C'était en automne. Nous devions partir pour la ville, mais elle tomba malade. Ou plutôt, elle commença tout de suite à mourir lentement et tristement, de toute sa surface. Les médecins vinrent, Mais un certain jour, ils furent là, tous à la fois, et régnèrent sur la maison. Pendant quelques heures, il semblait qu'elle n'appartint plus qu'au professeur et à ses assistants, et que seuls eussent des ordres à donner. Mais aussitôt après, ils se désintéressèrent de tout, et ne vinrent plus que par pure politesse, un à un, pour accepter un cigare ou un verre de Porto. Et pendant ce temps, maman mourait. On n'attendait plus que l'unique frère de maman, le comte Christian Brahe, qui, on se le rappelle, avait été pendant quelque temps au service de la Turquie, où il avait reçu, comme on disait toujours, de grandes distinctions. Il vint, un matin, accompagné d'un domestique étranger, et je fus surpris de voir qu'il était plus grand que mon père, et semblait le plus âgé. Les deux hommes échangèrent aussitôt quelques paroles qui avaient, je suppose, trait à maman. Il y eut une pause, puis mon père dit « Elle est très défigurée ». Je ne compris pas cette expression, mais je frissonnais en l'entendant. J'avais l'impression que mon père avait dû se surmonter pour la prononcer, mais c'était sans doute surtout son orgueil qui souffrait de cet aveu. Plusieurs années après, j'entendis de nouveau parler du comte Christian. Cela se passait à Urnay-Closter, et c'était Mathilde Brahe qui aimait à parler de lui. Je suis cependant certain qu'elle avait arrangé les différents épisodes à sa manière, car la vie de mon oncle, dont l'opinion publique et même la famille n'étaient informées que par des racontars qu'il dédaignait de confondre, ouvrait un champ vraiment infini aux interprétations. Urnay-Closter est maintenant sa propriété, mais personne ne sait s'il l'habite. Peut-être voyage-t-il encore toujours, comme c'était son habitude. Peut-être la nouvelle de sa mort, écrite de la main du domestique étranger, en mauvais anglais, ou en quelque langue inconnue, quitte-t-elle en ce moment je ne sais quel continent lointain. Peut-être aussi cet homme ne donnera-t-il même pas signe de vie, s'il doit quelque jour survivre seul à son maître. Peut-être tous les deux ont-ils disparu depuis longtemps, et sont encore inscrits sur la liste des passagers d'un bateau perdu en mer, sous des noms qui n'étaient pas les leurs. À Urnay-Closter, lorsqu'une voiture entrait dans la cour, je m'attendais toujours à le voir arriver, et mon cœur en battait bizarrement. Mathilde Brahe assurait qu'il venait ainsi, que telle était sa singularité d'être là subitement, lorsqu'on croyait le moins que ce fût possible. Il ne vint jamais, mais mon imagination était occupée de lui des semaines durant. J'avais le sentiment que nous nous devions d'entretenir des rapports, et j'aurais beaucoup aimé à savoir sur lui des choses vraies. Lorsque peu après mon intérêt changea d'objet et se porta, à la suite de certains événements, tout entier sur Christine Brahe, je ne m'efforçais pas, chose singulière, de connaître les circonstances de sa vie. En revanche, la pensée m'inquiétait de savoir si son portrait existait dans la galerie, et le désir d'établir cela augmentait de façon si exclusive et tourmenteuse que pendant plusieurs nuits de suite, je ne dormis pas, jusqu'à ce que vint, très opinément, celle où, un peu malgré moi, je me levais et montais en portant ma lumière qui semblait avoir peur. Pour ma part, je ne pensais pas à la peur, je ne pensais pas du tout. J'allais. Les hautes portes s'effaçaient en jouant derrière, devant moi, au-dessus de moi. Les chambres que je traversais se tenaient coites. Et enfin, je compris, à la profondeur qui me baignait, que j'étais entré dans la galerie. Je sentis à ma droite les fenêtres, avec leur nuit, et à gauche devaient se trouver les tableaux. Je levai mon lumignon aussi haut que je le pus. Oui, les tableaux étaient là. D'abord, je ne le voulus regarder que les femmes. Mais bientôt, j'en reconnus un. Et un autre encore, dont le pendant était à Ulsgaard. Et lorsque je les éclairais d'en bas, ils remuaient et voulaient venir à la lumière, et il me semblait cruel de ne pas au moins leur en laisser le temps. Il y avait là toujours de nouveau Christian IV, avec sa belle cadenette tressée à côté de sa joue large, doucement bombée. Il y avait sans doute ces femmes, dont je ne connaissais que Christine Munch, et subitement Mademoiselle Hélène Marsvin me regardait, l'air soupçonneux dans ses vêtements de veuve, avec le même rang de perles sur le crêpe du chapeau haut. Il y avait là les enfants du roi Christian, des enfants toujours plus frais, de femmes toujours nouvelles, l'incomparable Éléonore, sur une haquenée blanche dans sa plus belle époque, avant son temps d'épreuve. Les Gildenlove, Hans Ulrich, dont les femmes espagnoles disaient qu'il se teignait le visage, tant il était plein de sang. Et Ulrich Christian, que l'on ne pouvait oublier, et presque tous les Ulfeld. Et celui-ci, avec son œil peint en noir, pouvait bien être Henri Holck, qui fut à 38 ans comte de l'Empire et feld-maréchal. Et c'était arrivé ainsi. Il rêva, tandis qu'il allait chez la demoiselle Ilborg Krafse, qu'on lui donnait, au lieu de sa fiancée, une épée nue. Et il prit ce songe à cœur, y rebroussa chemin, et commença sa vie brève et hardie, dont la peste fut le terme. Je les connaissais tous, et nous avions aussi à Ulsgaard les délégués du congrès de Nimègue, qui se ressemblaient un peu parce qu'ils avaient été peints tous à la fois, chacun avec la même petite moustache coupée, semblable à un sourcil, sur une bouche sensuelle qui semblait presque jeter un regard. Il va de soi que je reconnus le duc Ulrich et Otto Brahe, et Klaus Dahr, et Sten Rosenpare, le dernier de sa race, car de tous j'avais vu des portraits dans la salle d'Ulsgaard, où j'avais trouvé dans de vieux albums des gravures en taille douce qui les représentaient. Mais il y en avait ensuite beaucoup d'autres que je n'avais jamais vus. Peu de femmes, mais il y avait là des enfants. Mon bras était depuis longtemps fatigué et tremblait, mais je levais cependant toujours de nouveau la lumière pour voir les enfants. Je les comprenais, ces petites filles qui portaient un oiseau sur la main et l'oubliaient. Parfois un petit chien était assis près d'elles, une pelote était là, et sur la table voisine, il y avait des fruits et des rieurs. Et derrière elle, à la colonne, pendait, tout petit et tout provisoire, le blason des Groubets, des Billets ou des Rosenkranz. On avait amassé autour d'elle une foule de choses, comme si autant de torts qu'on avait eus devaient être réparés. Mais elles étaient debout, simplement dans leurs vêtements, et attendaient. On voyait qu'elles attendaient. Et cela me faisait de nouveau songer aux femmes et à Christine Brahe. Et je me demandais si je la reconnaîtrais. Je voulus vite courir jusqu'au fond de la galerie et revenir là en cherchant, lorsque subitement je me heurtai à quelque chose. Je me retournai si brusquement que le petit Éric se rejeta en arrière et chuchota « Prends garde à ta lumière !»« Tu es là ?» dis-je, hors d'haleine, et je n'étais pas très sûr que ce fût bon ou très mauvais signe. Ma lumière vacillait, et je ne distinguais pas bien l'expression de son visage. C'était peut-être plutôt mauvais signe qu'il fût là. Mais il s'approcha de moi et me dit « Son portrait n'est pas là. Nous le cherchons encore, toujours en haut. » De sa voix basse et de son œil mobile, il désigna je ne sais quoi vers le haut, et je compris qu'il voulait parler du grenier. Mais j'eus tout à coup une pensée singulière. « Nous ? » demandai-je. « Est-elle donc en haut ?»« Oui, » fit-il en hochant la tête et resta debout tout à côté de moi. « Elle aide à chercher ?»« Oui, nous cherchons. » « On a donc enlevé son portrait ?»« Oui, figure-toi, » dit-il indigné. Mais je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait en faire. « Elle veut se voir, » souffla-t-il à mes oreilles. « Ah oui, » fis-je, comme si je comprenais. Alors il éteignit ma lumière, je le vis s'étirer en avant dans la clarté, les sourcils remontés. Puis il fit sombre. Malgré moi, je reculais d'un pas. « Que fais-tu donc ? » criai-je à mi-voix. Et j'avais la gorge desséchée. Il sauta vers moi, se pendit à mon bras et eut un petit rire étouffé. « Qu'y a-t-il donc ? » le rudoyai-je. Et je voulus me dégager. Mais il tint bon. Je ne pus empêcher qu'il étendît son bras autour de ma nuque. « Dois-je te le dire ? » souffla-t-il entre les dents, et un peu de salive m'aspergea l'oreille. « Oui, oui, vite !» Je ne savais trop ce que je disais. Il m'étreignit en s'étirant. « Je lui ai porté une glace, » dit-il, et gloussa de nouveau son petit rire. « Une glace ? Mais oui, puisque son portrait n'est pas là. »« Non, non, » fis-je. Il me tira tout à coup un peu plus près de la fenêtre, et me pinça l'avant-bras si fort que je poussai un cri. « Elle n'est pas dedans, » me souffla-t-il à l'oreille. Je le repoussai involontairement. Quelque chose craqua en lui. Il me sembla que je l'avais brisé. « Va, va, à présent, j'en devais rire à moi-même. Pas dedans ? Comment cela, pas dedans ?»« Tu es bête, » répliqua-t-il et cessa de chuchoter. Sa voix avait changé de registre, comme s'il abordait une pièce nouvelle encore inédite. « Ou bien on est dedans, » serina-t-il avec une gravité soudaine et un accent de grande personne, « et par conséquent, on n'est pas ici. Ou bien on est ici, et on ne peut pas être dedans. »« Bien entendu, » répondis-je vite, sans réfléchir. J'avais peur qu'il ne pût s'en aller et me laisser seul. J'étendis même la main en avant pour le toucher. « Veux-tu que nous soyons amis ? » lui proposai-je. Il se fit prier. « Cela m'est bien égal, » répondit-il effronté. Je tentai d'inaugurer notre amitié, mais je n'osais pas le serrer dans mes bras. « Mon cher Éric, » articulai-je, et je l'effleurai à peine. « N'importe où. » Je me sentis tout à coup très las. Je me retournai. Je ne comprenais plus comment j'étais venu jusqu'ici et comment je l'avais pu sans prendre peur. Je ne savais pas trop où étaient les fenêtres et où les tableaux, et lorsque nous repartîmes, il dut me conduire. « Ils ne te feront rien, » surait-il généreusement, et riait de nouveau.